Hein? Tu croyais quoi? Sérieux? Tu croyais quoi? Réveil stressant, comme un hurlement pendant le silence. Jamais de paix dans les recales, faut être dur avec les gens de la rue. J'ai passé du temps à croire à une seconde vie. Plus j'ai lu entre les lignes, tout ça n'est que conneries. Comme la vaccination, nous sommes en alerte rouge. Mais le gouvernement a ses secrets défense. Sarkozy n'est qu'un pantin, marié à une catin qui chante pour les marins. Tiens-toi bien. J'aime la France, mais pas son gouvernement. En bas des bâtiments, ça parle pour rien dire. On veut refaire le monde, malheureusement, on est loin d'intéresser tout. Tout le monde n'est pas en doute, tu viens, n'aie pas peur de demain. Tout ira bien, malgré que nos vies sont comme à 200 sur l'autoroute. Si tu vois le bout de la route, c'est que t'es béni. Venu au monde pour souffrir, j'ai plus le temps de sourire. J'ai des choses à dire, j'emmerde les interdits. Venu au monde pour souffrir, j'ai plus le temps de sourire. J'ai des choses à dire, j'emmerde les interdits. Venu au monde pour souffrir, j'ai plus le temps de sourire. J'ai des choses à dire, j'emmerde les interdits. Venu au monde pour souffrir, j'ai plus le temps de sourire. J'ai des choses à dire, j'emmerde les interdits. J'ai des souvenirs d'école où on se moquait de moi car j'avais du mal à suivre en classe. Traînais avec plus de filles que de gars. Maintenant ça m'est égal. Beaucoup de mes jeunes potes de l'époque connaissent le quartier. Maintenant beaucoup doivent être enfermés, mais j'en ai rien à secouer. Ils étaient juste une bande de traîtres. Rappelle-toi du 11 septembre 2001. Devine qui a comploté tout ça. Personne de l'État. Jean-Marie Bigard en a payé le prix de vouloir en parler. Enfin bref, passons. La vie est courte, la vie est comme une longue route. Fais gaffe au trou si tu finis en route, le dépanneur ne passe pas. Et puis même Miss Royal n'a plus rien d'incroyable. L'espoir coule comme le Titanic. Ça hurle mais on ne peut rien faire. Quelle panique, donc on se laisse faire. Putain quel enfer. Venu au monde pour souffrir, j'ai plus le temps de sourire. J'ai des choses à dire, j'emmerde les interdits. Venu au monde pour souffrir, j'ai plus le temps de sourire. J'ai des choses à dire, j'emmerde les interdits. Venu au monde pour souffrir, j'ai plus le temps de sourire. J'ai des choses à dire, j'emmerde les interdits. Venu au monde pour souffrir, j'ai plus le temps de sourire. J'ai des choses à dire, j'emmerde les interdits. J'emmerde les interdits, c'est exactement ça. Parfois faut vraiment être dur. Parfois faut vraiment avoir un caractère de soldat pour réussir à survivre dans cette putain de vie. Je te promets. Donc tu croyais quoi?